fais des tonnes de rimes dans ma case en moins pour me faire taire. Suffit pas de me dire combien tu as contraint comme devant un joli contrat. Aucun rappeur à faire le caniche n'est contraint. A chacun son rap, c'est sûr et certain, mais compte pas être pareil. Car à sans faire le pantin, prends du bon temps, mais mien n'est pas un passant. Je passe pas mon chemin, passe même pas un sale temps. D'espace, y'a tiens un peu. Les arènes ont fait place aux maisons de basse. La crasse reste et ça brasse peu. La race des fils de Craig, on formule à queue. Ouais, du rap de village, on est les bouseux. Beaucoup de rappeurs te diront quand on veut, on peut. Mais t'en verras des miles, souhaite en avalera des nœuds. Ils ont la charrue, certains la tirent comme des bœufs. Mais reste des griots avec le verbe scarbeux. Conviction apologique pour un seul et même sens. Chez nous, pas besoin de fric, on préfère la conscience. On a passé l'âge, on se fout du disque d'or, mon gars. On s'est fait une raison, faut qu'on nique l'ordre mondial. Conviction apologique pour un seul et même sens. Chez nous, pas besoin de fric, on préfère la conscience. Comme des padres, on rap sale hombre. On passe sombre, t'as passé les rimes cambrées. Mon rap squat le macadam, marqué par bitume. Le bitume, même sans thune, juste un check pour habitude. Voiture comme attitude, caractère toujours en titube. Discours en missile scud, vers les MC qui se prostituent. Sans major ni maison de disque, l'indépendance pour statut. Des valeurs saines de principe, pour déjouer leur institut. Un feed de plus M15, marqué au fer au crépuscule. On rentre pas dans leur matrice, on veut pas de leur gratitude. Le monde est en grade de leur mouvance, je la laisse aller au diable. Reste à l'écart de leur fréquence. Ma prose est incalibrable, pourtant calibrée d'une conscience. À la rime intarissable, on va pas stopper nos dires. Ce mouvement vire au passable, avec détermination. On défiera cet engrenage, elles sont bien loin les notions du respect et du partage. Tant que le rap sera pollué par ces bolos qui suivent la moche, déverseraient des tonnes de couplets, quitte à finir à faune. Conviction apologique, pour un seul et même sens. Chez nous, pas besoin de fric, on préfère la conscience. On a passé l'âge, on se fout du disque d'or, mon gars. On s'est fait une raison, faut qu'on nique l'ordre mondial. Conviction apologique, pour un seul et même sens. Chez nous, pas besoin de fric, on préfère la conscience. Comme des padres, on rap sale hombre. On passe sombre, t'as passé okay. Une cambrée. J'ai vu que ce qui t'intéresse dans le rap c'est les intérêts. Encore un de tes rêves, moi c'est sur le rinté que je reste. Anti-33, mon courage me parle. Ils ont le tube cathodique, font du bourrage de crâne. Hey, j'ai mes valeurs, te demande pas je mets ça où. Sur une prod à mes saouds, je suis venu mettre la messe à où. Tu prônes l'antéchrist, l'argent et le bise, la vente et le crime. Donc on résiste à coup d'encre de titre. Je mange pas de disquette, y'a problème de réception. On va pas baisser le son, tant qu'il y a de la déception. Je suis pas l'exception, on est massif dans ce cas. Vu qu'ils nous rendent fous, on met de l'acide dans le sky. Pas de casting dans le rap, j'ai pas de crew à Tipeee. Donne un plan, j'postule pour un groupe d'activistes. Le taf me fait peur jusqu'à craindre l'usine. Donc on fait de la résistance sur un brin de musique. Conviction apologique pour un seul et même sens. Chez nous, pas besoin de fric, on préfère la conscience. On a passé l'âge, on se fout du disque d'or, mon gars. On s'est fait une raison, faut qu'on nique l'ordre mondial. Conviction apologique pour un seul et même sens. Chez nous, pas besoin de fric, on préfère la conscience. Comme des padres, on rap sale hombre. On passe sombre, t'as passé les rimes cambrées. SRA, Messaoud, kayak, l'ours polaire. On fait du rap engagé, même si doutent nos mères. Y'aura des rimes en continu tant que la liste poveille. On n'est pas de ceux qui se font signer et qui visent l'oseille. Bla bla bla bla bla, oui.